peuple mes pensées. Je ne suis qu'un fou, mais un fou d'amour. Je devrais te dire que je t'aime tout court, mais j'ai peur de tout casser. J'ai peur de t'éloigner. Alors,